fait, en fait, ça aurait fait beaucoup de bien, ce son-là, tout seul, pendant un petit moment. Et pour aller ailleurs, après... C'était mieux. Je veux dire, globalement, l'écoute et tout ça. Mais c'est fragile. Bah, dès que... C'est compliqué, en fait. Par exemple... Alors, c'est pas contre ce que tu as fait que je vais dire ce que je vais dire. Attention. Mais c'est compliqué. Quand un saxophoniste joue chargé dans un groupe comme ça, qu'est-ce que les autres peuvent faire? Hein? Non, c'est compliqué. Non, mais c'est vachement compliqué, surtout dans un espace comme ça où dès qu'il y a deux sons ensemble, déjà. Bon, là, vous n'en êtes pas super bien sorti de ce passage-là. Alors, du coup, après, on peut dire c'est à toi de t'en rendre compte et puis de le faire plus court ou tout ça. Bon. Mais en même temps, ben, voilà, ça permet de poser le problème. J'ai pas de solution, je sais pas ce qui est possible. Je pense qu'une des solutions, ce serait de la laisser toute seule. Et ça ferait du bien en même temps. Tout d'un coup, ben, là, c'était, on est retombé dans le bordel à partir de là. Alors avant, c'était vraiment, il y avait une écoute au nombre que vous êtes, c'est pas évident, et c'était super. Et après, c'est revenu. Donc ce passage-là était compliqué. Et il a mis du temps à se... Juste par rapport à ce passage-là, parce que moi justement, j'avais l'impression que la seule solution c'était de justement continuer, d'assumer, même en sachant que c'est pas terrible, peut-être que du coup là... Ouais, mais à ce moment-là, on aurait envie d'un vrai bordel, tu vois. Là, c'était un petit peu... Tout à l'heure, il y a eu du vrai bordel, tu sais, dans le morceau, le premier, avec la radio et tout ça, voilà, peut-être un truc comme ça à ce moment-là, pourquoi pas. Mais là, ça restait un peu le cul entre deux chaises. Bon, mais c'était pas tout le morceau, hein, je pointe ça, parce que c'était le problème principal. Mais sinon, il y avait tout, vraiment l'écoute, ça règle. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, quoi. Non, j'ai rien noté parce que j'ai fait qu'écouter. Par exemple, tu vois, ton truc, c'est vachement bien. Ouais. Tu vois, on dit, si elle arrête, le morceau est foutu. Tu vois. Donc, bah, allez, top. Il y a un moment que j'ai arrêté, je me suis dit. Oui, mais c'est bien, du coup. Ça s'est terminé, non? C'est comme ça que ça s'est terminé. C'est quand t'as arrêté, non? Non, j'ai arrêté. Non, avant. Et il s'est passé encore des choses. Oui, il s'est passé des choses après. En plus, avec une posture qui était géniale. C'était vraiment comme ça. Ah ouais. Et c'était vraiment genre... Mais on sentait dans ton... Dans le débit que tu étais vraiment dedans. Que je t'ai pas regardé tout ça, mais ton coup là, il était super. Vraiment. Ah oui. Quand tu as fait les sortes de gros clusters à tous, ça peut être super. Tu sais, c'est toi qui le lançais. Je pense que le timing là était, ça aurait pu être plus long. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire un truc. Là, c'est là que c'est bien, en fait. Oui, il y avait une. Ça aurait pu être beaucoup plus lent, même. Ouais. En profiter de ces gros pâtés pour creuser un temps, tu vois. Voilà. C'était bien, parce que c'est toi qui donnais un peu le ton. Ouais. Non, c'était bien ça. Ah, moi, je suis pour. Il y a ici William qui doit s'en aller. Mais c'est pas grave. Je sais pas qu'il aurait été là. Ah bon. Ouais. Puis il y a Nina qui attend. Ouais, mais peut-être. En fait, on en refait un petit. Qui part? C'est vous deux. Demain, on se retrouve. Demain, on se dit à 14h. À 14h, très âgé. Ok, ça va. Pas de café. Et la place de la voix, là, elle était super. L'anglais, là. C'est, ça, c'est... Salut. Ça se passait super bien. Ah oui? Et quand t'as chanté aussi, oui. c'était vachement bien, mais du coup les autres ils t'ont couvert. Oui, j'ai eu un moment où ça couvre. Ouais. Trop. C'était trop tôt. C'était bien que ça arrive, ouais. Mais pareil, super. Ouais. Peut-être trop tôt, mais ça me plaisait que ça se superpose un peu. Ouais, ouais, ça mais ça aurait pu le faire plus tard. Peut-être que dans le point de vue, tu t'entends bien, toi. Et ouais, c'est ça. Donc, ça aurait pu le faire plus tard. Peut-être que je me rapproche, même si je me rapproche d'eux, je vais moins m'entendre. Et toi, t'as rapproché plutôt de ceux qui... Ouais, si eux, ils me couvrent, c'est parce qu'ils m'entendent pas. S'ils si m'entendaient, ils baisseraient. En fait, les durées, elles sont pas assez contrastées. Les durées sont pas assez contrastées. Il faut que quand il y a un truc comme le petit son de la fin, là, par exemple, on se dit putain, ça, elle est 2 minutes. Mmh. Personne ne fait rien du tout. Mmh. Et par contre, un gros bordel, ouais, mais pourquoi pas 10 secondes, puis c'est tout. Là, tu prends un peu le même temps. Mais c'est normal. Ça. Donc, faut vraiment y penser. Donc là, pareil, elle avait la main, on va dire, sur tout le monde, c'était la soliste, bah, qu'elle le soit vraiment, pendant un moment. Que tout le monde, ah, c'est ici, il y a le ballon de foot et tout le monde se jette dessus. Bon, du coup, on se fait un petit dernier. Oui, pas longtemps, non, Je sais pas, 10 minutes ou... Ouais. Salut. Ah bah du coup j'ai pas coupé. T'auras toute la discussion. Je l'enverrai comme ça. À qui? Comme tout à l'heure, les mains dans les poches, tout ça. C'est juste, non, je te dis. Je me suis déjà fait la réflexion, on en a déjà parlé. C'est à toi de savoir. C'est comme une ordonnance. Si tu te mets là les mains dans les poches et qu'on sait que tu fais partie du groupe, moi je le sais, puisque je suis le seul à écouter, je le sais, forcément ta présence et tes mains dans les poches, elles vont être importantes. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'elle prépare, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle considère qu'elle est dedans, qu'elle n'est pas dedans? Je me pose plein de questions qui peuvent être inutiles. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ça peut prendre une place dans ma tête qui est inutile. Qui fait du bruit. Ça fait une sorte de bruit de présence. Ouais. Alors que si tu es là et que tu es concentré, même si c'est fictif, si tu veux, il y a une sorte de truc à... Mais je pense que c'est pas fictif en fait. Non, c'est pas fictif, c'est dans le corps. C'est, voilà, tu es dans ton truc, c'est pas pareil. Par contre, si volontairement tu vas derrière le bar, au plein milieu du concert et que tu te sers une bière, ça peut faire quelque chose. Enfin, Mais ouais, par rapport au volume, puisque. C'est plutôt toi qui es la moins forte, on va dire, parce que vous pouvez partager le micro aussi. Hein, mais si tu te mets, je pense que si tu te mets plus près d'eux. Ouais, il y a aussi un autre micro là. Ah oui, un autre micro. Donc fais comme tu veux, mais en tout cas. Alors lui, il sort où? Il sort là ou pas? Non, non, c'est celui qui est derrière lui. Faites gaffe au larcin. scène. Hein. Tu sors là. Tu préfères sortir là ou toutes les deux là? C'est compliqué, non? Si je... Non, non. Comme ça? Ok. Bon, je dis 10 minutes? Tout comme ça?